Bien-aimé, que Dieu vous bénisse. Je vais parler d'un problème, rapide d'un problème, parce que il y a des sœurs en Christ, des frères qui me voient, qui me disent parfois bien-aimé, et qui posent parfois les mêmes questions. Vous avez des frères, oui, j'ai reçu un coup de fil du pays, ils veulent que j'aille les vacances parce que nous devons faire un rituel, voilà, pour donner à manger au grand-père qui est mort, à la grand-mère. Voilà, voilà. Et des gens parfois me disent, pasteur, qu'en penses-tu de ces choses-là? Frère en Christ, sœur, il est écrit que celui qui est en Christ est une nouvelle créature. Ceux qui sont en Jésus ont quitté le monde et sont maintenant en Christ. D'accord? Nous devenons des enfants de Dieu. On ne fait plus les choses comme le monde les fait. Je vais prendre un passage biblique pour t'apporter la réponse. Comme ça, tu n'auras plus de questions à se poser là-dessus. Combien de fois on va entendre le charlatan dire, un guérisseur, tu as des problèmes dans ta vie? Je vois là, pendant la consultation, je vois ton père. Il est en train de me dire que lorsqu'il est mort, vous n'étiez pas en bon terme. Celui qui est à l'origine de tes problèmes. Là, il me dit de te dire de lui offrir un repas, comme s'il va enlever les problèmes que tu as. On va voir un guérisseur. Ou bien, tu dors la nuit. L'oncle qui est mort t'apparaît dans un songe pour venir te parler. Ou bien, tu es dans une loge, un esprit apparaît et il te parle. Ou bien, tu habites dans une maison. Dans cette maison-là, la nuit, vous entendez des bruits de pas. Vous entendez des bruits, des verres, des assiettes qui tombent seules à la cuisine. Je vais vous dire ce qui se passe. Je veux m'appuyer sur un passage biblique que vous connaissez. Tout le monde connaît l'histoire du riche et Lazare. C'est dans les évangiles. La Bible dit qu'il y avait un pauvre qui s'appelait Lazare. Cet homme, pour manger, dépendait des restes de la table de l'homme riche. C'est-à-dire que ce monsieur Lazare, il allait fouiller dans les poubelles pour chercher les restes. Il vivait de ça. D'accord? Un jour, ce pauvre Lazare va mourir parce que tout homme est appelé à mourir. Personne n'est éternel ici. Donc, le pauvre est mort, il est accueilli dans le royaume de Dieu. Il est dans la joie bien portant, il mange à volonté, il est dans la gloire de Dieu. Mais le riche aussi est mort, d'accord? Et la Bible dit, le riche s'est retrouvé dans le feu. Il souffrait dans ce feu-là. Et quand il a vu de loin Abraham et Lazare, il a dit, Père Abraham, je souffre. Envoie Lazare m'apporter de l'eau. On lui répond, ce que tu demandes là, c'est impossible. Car personne ne peut quitter là où on est là pour venir là où tu es là-bas. Et personne de chez toi là-bas ne peut venir ici. Entre vous et nous, il y a un grand abîme. On est séparés. Donc, venir de là-bas ici ou d'ici de là-bas, c'est impossible. Écoutez-moi bien. Que va dire le riche après? Il va dire, ok, envoie alors quelqu'un sur terre, parler aux membres de ma famille, de peur que eux aussi viennent là où je suis là. Envoie quelqu'un. Je vous pose une question. Si les morts avaient la possibilité de revenir sur terre, le riche n'allait pas dire, envoie Lazare, envoie quelqu'un. Il l'aurait fait lui-même, puisqu'il pensait encore à sa famille. On voit bien que même lorsqu'on est mort de l'autre côté là-bas, on pense toujours à notre famille. Mais on est dans l'impossibilité de revenir leur dire quoi que ce soit. S'il y avait cette possibilité, il y aurait eu cette possibilité, le riche n'allait plus dire, envoie quelqu'un informé, parler aux membres de ma famille, de peur qu'eux aussi ne viennent là où je suis là. Il allait dire, mon Dieu, je souffre. J'ai laissé des enfants là-bas. J'ai laissé ma femme sur terre. J'ai laissé mes gosses. Je connais mon père. Ma mère est là-bas. Mes petits frères, mes petites soeurs, mes oncles. Ah non, de peur que eux aussi ne viennent là où je suis là. Moi-même, je m'en vais les informer. Mais pourquoi il dit envoie quelqu'un? Parce que lui-même a tout pensé et il constate que pour lui, c'est impossible. Parce que si c'était possible pour lui, il n'allait plus dire envoyer quelqu'un. Il l'aurait fait lui-même. Donc ici, on a bien la preuve que lorsqu'on est parti, on est parti. D'accord? Je voudrais que vous sachiez exactement ce qui se passe après la mort. Combien de fois beaucoup parmi vous prennent un cercueil, le parent, on l'enlève de l'hôpital, on le met dans un cercueil. Après, on prend le cercueil, on va voir le curé à l'église, le prêtre, ou bien on amène le cercueil à l'église chez un pasteur. Et lui aussi vient. Je vois le prêtre avec la sangsoire, n'est-ce pas, en train de tourner tout autour du cercueil, les bougies allumées. Quel cinéma! Il faut que vous sachiez, la Bible dit dans le livre d'Hébreux qu'après la mort, c'est le jugement. Il faut que vous sachiez quelque chose. Moi qui vous parle, ça c'est pas moi. Ça c'est la coquille. Ça c'est l'enveloppe. Moi qui vous parle, je suis à l'intérieur de cette enveloppe. Le corps physique que tu as. Le corps que tu frottes la crème là. Le corps que tu habilles bien, bien, bien là. Ce n'est qu'une enveloppe. Le jour de la mort, l'homme quitte cette enveloppe. Et il va tout de suite. Il ne perd pas de temps. Mais qu'est-ce qu'on fait? Nous, on prend l'enveloppe. On lave bien le corps du mort. On enlève le corps à la mort. On embaume. Parfois on habille bien la personne. Mais on dit, mais la personne n'est plus là. Et vous avez même des gens qui ont peur de toucher le corps, comme s'ils touchaient la personne. La personne n'est plus là. Ce corps physique est la poussière. Et Dieu a dit, tu retourneras à la poussière. Ça c'est la poussière, ça c'est pas moi. Ça c'est pas moi. Moi qui vous parle, je suis à l'intérieur de cette enveloppe. Et quand je vais mourir, je sortirai de cette enveloppe. Cette enveloppe reste sur terre. Je ne l'amène pas. L'enveloppe là ne va pas là-bas. C'est cette enveloppe qui se retrouve dans le cercueil. Et vous pouvez pleurer, vous pouvez allumer les bougies, bien l'habiller, peigner les cheveux, costume, tout ce que vous voulez. La personne elle-même n'est plus là. Là, vous êtes en train de faire ces choses sur l'enveloppe qui retourne à la poussière. Ça, c'est pas la personne. Donc, si le prêtre pouvait vous dire la vérité, si le pasteur pouvait vous dire que ça, ce n'est qu'une enveloppe, la personne elle-même n'est plus là-haut. Parce que c'est ce qu'il devrait vous dire. Parce que cette enveloppe-là retourne à la poussière. L'être humain a été créé à l'image de Dieu. Parce que Dieu a dit dans Genèse, créons l'homme à notre image. Quelle image? Dieu est esprit, l'être humain, nous sommes des êtres spirituels à l'image de Dieu. Mais Dieu nous a donné un corps. Ce corps nous permet d'avoir le contact avec le monde physique. Parce qu'une fois que tu sors de ce corps, tu traverses les murs. Les choses physiques ne peuvent plus, tu traverses les choses physiques. Mais tant que tu es encore dans le corps physique, tu as le contact avec les choses physiques. Mais la mort, c'est quand tu quittes définitivement, quand on dit, oh, il a rendu l'âme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire la personne a quitté l'enveloppe qu'est le corps. Et la personne est partie. Donc nous avons là dans l'évangile, quelqu'un qui a connu ça, le riche, dans l'affaire de Lazare, et qui tout de suite se retrouve là-bas. Un jour, ma grande sœur m'a dit, petit frère, la nuit là, alors que je dormais, mon mari qui est mort là, il est venu me dire ça. Combien de personnes dorment dans des maisons? Oh, ils entendent des bruits de pas. Les vers qui tombent tout seuls, des choses bizarres la nuit. Et ces personnes croient que c'est les personnes qui habitaient la maison. Le revenant là, c'est l'homme qui s'est suicidé dans la maison. Hein? Et ils croient à ces choses. Si le mort avait la possibilité de revenir, s'entretenir avec nous, même dans les rêves, Le riche n'allait plus dire, Abraham, il faut qu'on envoie quelqu'un parler aux membres de ma famille. Parce que moi, je ne veux pas qu'il vienne là où je suis là dans le feu. Il l'aurait fait lui-même. Il a laissé ses enfants. Ce riche avait une femme, il avait une famille. Il se souciait encore de sa famille. Alors qu'il était dans le feu, il allait dire, ah non, mes parents, j'aime mes enfants, j'aime mon épouse. Il est hors de question qu'il vienne ici. Je m'en vais les avertir. Mais pourquoi il demande à d'autres personnes de le faire? Parce que lui-même est dans l'impossibilité de le faire. Donc il faut que tu saches que quand tu égorges le mouton là, parce que le charlatan t'a dit, viens, ton te demande le mouton. Hein? Il faut que tu saches à qui tu offres le mouton. La Bible dit, dans le livre de Corinthiens, que ce qu'on sacrifie, on le sacrifie à des démons et non à Dieu. C'est la Bible qui le dit. Mais d'où viennent ces démons? La Bible dit, dans le livre d'Apocalypse, au chapitre 12, qu'il y a eu une guerre dans le ciel. Pas sur la terre. La Bible dit la guerre a eu lieu au ciel. Entre qui et qui? Vous avez un rigolo qui s'appelle Lucifer et qui a pensé qu'il pouvait détrôner Dieu. Un coup d'état. Et il a pensé qu'il pouvait prendre le trône de Dieu. Cet orgueilleux. Et il y a certains anges qui ont pensé comme lui, qui l'ont suivi dans cette folie. Mais Dieu lui a montré que moi, c'est moi. Je suis Dieu. Personne n'est au-dessus de moi. Et il faut que ce que Lucifer a oublié, c'est que la créature ne pourra jamais être au-dessus du Créateur. C'est l'homme qui fabrique une voiture. Une voiture ne pourra jamais fabriquer un homme. C'est ce que Lucifer a oublié. Dieu l'a renversé, d'accord? Et la Bible dit, Dieu l'a envoyé sur terre, lui et ses démons, ils ont été jetés sur la terre. Il faut que tu saches, toi qui m'entends, que les êtres humains, nous, les êtres humains, nous ne sommes pas les seuls habitants de la terre. Le vide que tu vois là, il y a des démons au milieu de nous. Ces démons qui ont perdu la guerre au ciel. Et qui ont été précipités sur la terre. Ils sont au milieu de nous. S'il y a sur la terre, il y a les guerres, les crimes, les viols, l'homosexualité et tout ce que vous voulez. Ça vient de ces démons-là. Parce que quand ces démons sont arrivés sur terre, ils se sont dit, comme Dieu aime l'homme, nous, on va entraîner l'homme dans nos voies. On va pousser l'homme à faire tout ce que Dieu n'aime pas. Dieu interdit l'homosexualité. Ils disent, il faut coucher avec un autre homme. Il pousse les hommes à l'homosexualité. Dieu a dit, celui qui tue ne sera pas sauvé. Il faut que tu tues. Il faut que tu empoisonnes. Dieu a dit, celui qui vole ne sera pas sauvé. Il faut que tu voles. Donc, ce sont ces esprits qui poussent les hommes à faire tout le mal que vous voyez sur la terre. Je vous prends un exemple. La Bible dit que lorsque Satan est rentré dans Judas, sur le champ, Judas a eu l'envie de livrer Jésus. Mais cette envie est venue et de qui? C'est quand Satan rentre en lui. D'accord? Le sorcier qui est là dans ton village, ou dans ta ville, ou dans ta maison. Mais ce pouvoir de sorcellerie vient de qui? Des démons? Est-ce que la personne, le sorcier, est allé, je ne sais pas moi, mais il est allé chercher la puissance là où? C'est parce qu'il y a des démons de sorcellerie. Quand vous voyez dans des trucs comme développement personnel et autres, le yoga à un niveau très poussé, c'est-à-dire, on amène le pratiquant à voir dans le monde de l'esprit. Mais qui donne ce pouvoir? Qui donne la capacité à l'homme d'aller dans le monde des esprits? Nous sommes des êtres humains, mais ce sont des démons. Tu peux aller spirituellement par la puissance de Dieu. Le Saint-Esprit peut t'ouvrir les yeux dans le monde spirituel, mais selon le plan de Dieu. Vous avez aussi des démons qui donnent aussi la capacité d'aller dans le monde de sorcellerie. La capacité, tous qui sont dans des trucs ésotériques. Des gens qui vont en sorcellerie là. Les gens qui font la projection astrale. Ils vont dans le monde des esprits. Mais c'est les démons qui donnent ce pouvoir, qui donnent cette capacité. D'accord? Donc il faut que vous sachiez qu'il y a eu une guerre dans le ciel. Et qu'il y a eu des gens qui ont perdu cette guerre, des démons, le diable et ses démons, ils ont été jetés sur la terre. Jusqu'à ce jour, ils sont au milieu de nous. Jusqu'aujourd'hui, ils sont là. Ils entendent ce que je suis en train de dire. Ils entendre ce que je dis parce qu'ils sont là sur terre. D'accord? Mais la Bible dit qu'il viendra un temps où Satan et ses démons seront envoyés dans le lac de feu. Mais l'heure là n'est pas encore arrivée. Donc ils sont au milieu de nous. C'est pourquoi ne soyez pas étonnés s'il y a les crimes, les violences et tout ce que vous voyez. Parce que ces démons sont sur terre pour pousser l'homme à faire le mal. Pour pousser l'homme à haïr son prochain. C'est leur mission. Pourquoi ils le font? Parce qu'ils se sont dit, le diable et ses démons se sont dit, il est hors de question que l'homme soit sauvé. On va le pousser jour et nuit à faire ce que Dieu n'aime pas, afin que la porte du ciel lui soit fermée. Et c'est pourquoi Satan peut pousser des adultes à la pédophilie, à coucher avec des enfants. Que l'horreur! Il pousse les hommes à faire ce qui est vraiment en abomination aux yeux de Dieu, afin que Dieu puisse dire, ah non, non, non, non, non, celui-là, c'est pas la peine. C'est pourquoi Satan nous pousse au péché. Il faut que vous le compreniez. Donc les personnes que vous voyez là, oh, j'ai dormi la nuit. Mon fils qui est mort par accident de voiture, là, est venu me parler. C'est pas lui. Parce que si les morts avaient cette possibilité, le riche n'allait plus dire à Abraham, envoie quelqu'un informer mes parents. De peur que eux aussi viennent là, là, là où je suis dans le feu là. Il allait le faire lui-même. Lui-même allait le faire. Puisqu'il pensait à sa famille. Mais pourquoi il ne le fait pas? Parce que c'est impossible pour lui de le faire. La Bible dit dans le livre d'Hébreux qu'après la mort, c'est le jugement direct. La Bible dit après la mort, quand tu vis sur terre, tu crois que tu ne vas pas mourir. Mais un jour, la mort va te surprendre. Parce qu'il y a des gens qui disent, oh, les choses de Dieu, ce n'est pas maintenant. Je ferai ça l'année prochaine. Est-ce que tu connais ton heure? Il y a quelqu'un qui est parti de chez lui ce matin. La personne a pensé qu'il va revenir ce soir voir sa femme et ses enfants. Et pourtant, il va mourir par accident de voiture. Personne ne connaît son heure. C'est pourquoi il ne faut pas dire Jésus là. Moi, je penserai à Jésus. Bon, je verrai ça dans un mois. Parce que tu ne sais pas ce que demain te réserve. D'accord? Donc, dire que papa qui est mort est venu me parler la nuit. Comprenez que les morts ne peuvent plus venir te parler. Sinon, le riche l'aurait fait. Il serait venu. Il vient trouver ses enfants. Lambert, Lambert. Oui, c'est papa, c'est papa. Oui, je suis venu te dire, va à l'église. Parce que là où je suis là-bas, je suis dans le feu. Et il va trouver sa femme. Oh, chérie, chérie. Oh, c'est qui? Oui, c'est moi ton mari, c'est moi ton mari. J'ai pas beaucoup de temps à perdre. Je suis venu t'informer que là, je souffre là où je suis là-bas. Parce que moi, je n'ai pas reçu Jésus. Va à l'église dimanche prochain. Il va trouver son père. Papa, papa. Oui, papa, c'est moi, c'est moi. C'est moi. C'est moi ton fils. Voilà, je n'ai pas beaucoup de temps à peine. Je suis venu te dire que je suis dans le feu. Moi, je ne veux pas que vous veniez aussi là-bas. Voilà, va à l'église. Dis à toute la famille. Fais réunion de famille. Dis à tout le monde d'aller à l'église. De peur que vous aussi, vous ne veniez là où je suis. Le riche l'aurait fait. Parce qu'il pensait à sa famille. Puisqu'il dit à Abraham, de peur que mes parents aussi ne viennent là où je suis. Parce que s'il avait la possibilité de le faire, il l'aurait fait lui-même. Ça montre clairement que quand quelqu'un meurt, il sort du corps, il va au jugement. Nous, la famille, sur terre, on reste à traiter avec la coquille, l'enveloppe. Mais la personne elle-même est partie de plus, la personne n'est plus là. Et qu'est-ce qu'on fait de l'enveloppe? On met les bougies tout autour, on pleure, on regarde l'enveloppe comme si la personne elle-même était encore là, alors que lui n'est même plus là. On regarde l'enveloppe, hein, on regarde, hein, on parfois on met la crème, on habille la personne, on peigne les cheveux, on va même jusqu'à mettre les chaussures aux pieds. Mais vous perdez votre temps. La personne elle-même n'est plus là. Vous perdez votre temps. L'enveloppe là c'est la poussière, ça doit pourrir et ça retourne à la poussière. Là vous traitez, la personne elle-même n'est plus là. La personne ne voit même plus ce que vous faites là. Parce que la personne n'est plus dessus, il n'est plus sur terre, il est déjà dans un autre monde. Donc, ne croyez pas, il faut amener voir monsieur le curé, il faut amener le corps à l'église, vous perdez votre temps. Et il y a des gens qui perdent leur temps avec des messes de requiem. Vous avez des gens, chaque date, messes de requiem, chaque date, messes de requiem ne vont rien changer. Mon cher ami, ça ne va rien changer, parce que la repentance, c'est sur terre, c'est pas de l'autre côté. Moi, si je dis à Jésus, j'ai pas besoin de toi, je tourne le dos, je meurs par accident ou par une maladie, vous pouvez faire 1000 messes de requiem. Ça n'a aucune validité aux yeux de Dieu. Parce que Jésus est venu annoncer l'évangile. S'il y avait possibilité de régler certaines choses devant, Jésus ne serait pas venu. Il allait dire, à quoi ça sert d'aller me sacrifier? On va attendre les morts ici, d'accord? Et on va régler leurs problèmes ici. Mais Jésus est venu sur terre parce que le salut, c'est sur terre. La Bible dit, ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. De deux personnes qui seront dans un même champ, une personne sera sauvée, l'autre laissée. De deux personnes qui seront sur un même lit, une sera sauvée, l'autre non. Ça se passe sur la terre. C'est ici que tu prépares ton salut. La Bible dit dans le livre d'Amos, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. C'est ici que tu te prépares. Mais qu'est-ce que le diable fait? Il remplit le cœur de l'homme des choses de la terre. Hein? Tel a déjà construit une maison, il faut que toi aussi tu construises ta maison. Hein? Tel a déjà fait ça, il faut que... Il remplit le cœur de l'homme que les choses de la terre. Que les choses de la terre. L'homme n'est jamais satisfait. Tu as 1 million dans le compte, c'est 0, tu veux 10. Quand tu arrives à 10 millions, tu veux 50. Quand tu arrives à 50, l'homme n'est jamais satisfait. Satan remplit jour et nuit le cœur de l'homme des choses de la terre. Parce que Satan sait que pendant que tu es occupé, pendant que tu es focalisé aux choses de la terre, il sait qu'un jour, tôt ou tard, la mort va te surprendre. Et quand la mort te surprend, tu n'as pas fait la paix avec Dieu. C'est une âme gagnée. C'est pourquoi le diable remplit le cœur de l'homme des choses de la terre. C'est pour t'occuper. C'est pour que tu sois occupé. C'est pour t'occuper. Parce que si tu n'es pas occupé, tu risques de penser à Dieu. Et pour que tu ne penses même pas à ça, il remplit ton cœur des choses de la terre. L'argent, la prospérité, construire des maisons, acheter des voitures, tu as une femme, d'autres femmes, d'autres. Et Satan est prêt à t'occuper sur ce qui se fait sur la terre pour que tu n'aies pas le temps de penser à ton salut. C'est ça le plan. C'est pour que tu ne penses pas à ton salut. Parce que le diable sait que tôt ou tard, la mort ne t'avertira pas. La mort ne dira pas, monsieur, garçon là, hein, moi j'arrive dans un mois, hein, il ne te dira pas ça. Et le diable le sait, c'est pourquoi il met ton cœur que sur les choses d'ici. Est-ce que construire des maisons et tout le reste, c'est un péché? Non. Mais la Bible dit, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Pourquoi? Parce que tu es en règle avec Dieu, tu traites avec ton Seigneur Jésus. Si tu construis une maison, il n'y a pas de problème. Si la mort frappe demain, au moins, tu étais en règle avec Dieu. Mais que fait le diable? Il occupe le cœur de l'homme des choses de la terre, des choses charnelles, pour que tu sois à fond là-dedans. Tu ne penses plus à ton salut. Et quand la mort va te surprendre, il dit aux gens, amenez le corps, voir monsieur le curé pour les messes de requiem. Vous pensez que Dieu est bête? C'est trop facile ça. S'il y avait cette possibilité, Jésus ne devait plus venir à la croix. S'il y avait possibilité qu'il suffit de dire, oh Dieu, pardonne-lui, il a fait du bien, Jean, ouvre-lui la porte du ciel, ouvre-lui là-bas. Mais c'est trop facile. Le sang de Jésus a coulé à la croix. L'évangile, Jésus a dit, annoncez la bonne nouvelle à toute la création. Tout le monde. Celui qui croira sera sauvé. Ça se fait ici. Ton salut, c'est avant ta mort, pas après. Si je tourne le dos à Dieu aujourd'hui, mes parents peuvent faire 1 milliard de messes de requiem. Ça ne donnera aucun effet. C'est à moi de me donner à Jésus. La Bible dit, annoncez la bonne nouvelle, celui qui croira sera sauvé. Vous avez des gens sur terre, Dieu, c'est pas leur tasse de thé. Non, rien à foutre. C'est pas leur sujet. C'est pas leur préoccupation. Il est dans la franc-maçonnerie. Quand je vois un franc-maçon, on amène son cercueil à l'église. Oh Dieu, ouvre-lui la porte, la franc-maçonnerie. La franc-maçonnerie traite avec les puissances des ténèbres. C'est des gens qui se sont engagés avec Lucifer. D'accord? Il a fini sa vie. Mais c'est normal si tu t'engages avec Lucifer. Il est tout à fait normal. Dieu respecte ta liberté. Tu as donné ton âme au diable. Pourquoi Dieu va l'arracher des mains du diable? Toi-même, tu as fait ton choix. Le résurrectionné qui est mort là, vous l'amenez à l'église faire des prières, vous perdez votre temps. Lui-même a signé, il a donné son âme au diable et Dieu respecte la volonté de l'homme. Dieu a toujours respecté la volonté de l'homme. Quand tu signes dans les loges, quand tu signes dans la franc-maçonnerie, toi-même tu as signé. Dieu respecte ton choix. Tes familles peuvent venir faire 1000 prières, Dieu respecte ton choix. C'est pourquoi Jésus a dit, annoncez la bonne nouvelle. Celui qui ne croit pas, secouez la poussière de vos pieds. En quelque sorte, laissez-le tranquille, ne forcez pas. Parce que la vie sur terre n'est faite que de choix. Tu peux décider de suivre Dieu ou de ne pas le suivre. Dieu ne t'oblige pas. Mais en refusant Jésus, tu as fait un choix. Et le jour de ta mort, Dieu respectera ton choix. Donc, les gens peuvent venir prier pour toi, ça ne sert à rien. Dieu va respecter ton choix. Parce que tu avais la possibilité de le suivre, tu l'as refusé, tu faisais autre chose. Dieu va respecter ce choix-là. Parce que Dieu ouvre sa porte, son paradis, aux personnes sur terre qui ont fait le choix d'aller là-bas. Celui qui a fait un autre choix, Dieu respecte. Dieu respecte. C'est pourquoi Jésus dit, annoncez la bonne nouvelle. Celui qui ne croit pas, secouez la poussière de vos pieds et partez. Partez. Si on vous ouvre la porte, entrez. Mais si on vous ferme la porte, ne forcez pas, allez-y. Parce que c'est ici. Quand tu refuses Jésus, le jour de ta mort, Dieu respectera ton choix. Parce que la porte qui va vers le Seigneur s'appelle Jésus-Christ, qui est le chemin, la vérité et la vie. Et quand tu dis Jésus, ce n'est pas mon monde, ça, Dieu respecte ce choix-là. Le jour où tu vas mourir, Dieu... Attends, tu refuses Dieu ici. Et quand tu vas mourir, et puis tu dis, bon, tu m'as refusé sur terre, et bon, c'est pas grave, viens quand même ici. Ça ne se fait pas comme ça. Dieu respecte le choix de l'homme. C'est pourquoi la Bible dit, là où est l'Esprit de Dieu, il y a la liberté. Je suis libre de suivre Jésus ou de ne pas suivre Jésus. Dieu respecte mon choix. Et le jour de ma mort, ce choix-là, Dieu ne peut pas le violer. Il va le respecter. Tu l'as refusé par son fils Jésus. En refusant Jésus, tu as accepté Lucifer. Eh bien, va avec ton Lucifer. Allez-y. Va avec le diable, puisque tu m'as refusé sur terre. Et puis les gens vont, oh, Dieu, ouvre-lui la porte, Dieu ne t'a pas suivi. Mais non, Dieu respecte son choix. Dieu respecte le choix. Dieu a toujours respecté le choix de l'homme. La Bible déclare, je mets devant toi la vie et la mort. Vous connaissez ce passage dans le livre de Jérémie. Je mets devant toi la vie et la mort. Choisis. Choisis. Dieu a toujours dit à l'homme, choisis. Donc quand tu fais le choix ici de ne pas suivre Jésus, le jour de ta mort, Dieu respecte ce choix. Il ne peut pas t'ouvrir la porte puisque tu ne l'as pas choisi quand tu étais sur la terre. Et pourquoi il va te ouvrir la porte? Ce sont des gens qui vont direct en enfer. Donc vous pouvez aller dire à Dieu, oh, Dieu va dire, mais attends, quand il était sur terre, il avait fait son choix. Parce que Dieu respecte le choix de tout homme. Donc j'étais en train de vous dire, arrêtez. Toi qui as les crânes d'hommes à la maison, comme par exemple au Cameroun des Bamileke, ils ont des crânes des grands-parents à la maison, ils offrent la nourriture, ils font des rituels, des séances. Mais ton grand-père n'est pas là. Là, ce que tu es en train d'offrir, tu l'offres aux démons. Parce que si le grand-père qui est mort avait la possibilité de revenir, d'accord, le riche n'allait plus dire à Abraham, envoie Lazare parler à ma famille, de peur qu'il ne vienne ici. Mais pourquoi il le dit? Parce que c'est impossible. C'est impossible, sinon il l'aurait fait. Donc, même le marabout, même le guérisseur, les charlatans, les sorciers, ils sont tous roulés dans la farine par Satan. Parce que Satan leur fait croire. Parce que quand le marabout te consulte, il va dire, ah oui, je vois ta grand-mère là. Elle est en train de me dire que si tu veux sortir de tes ennuis, tu dois lui offrir un repas. Aller déposer le repas au cimetière à côté de sa tombe. Et plusieurs fois, quand j'étais avec le grand marabout, plusieurs fois on a fait ça à des gens. Et je me souviens, quand on allait dans la rivière, dans la forêt, à côté d'une rivière, le marabout prenait la parole. Il disait, si ton père s'appelait Jules, Jules, ta fille Nicole est ici. Tu lui as dit de te faire un repas. Là, on t'apporte le repas. Maintenant, en retour, enlève les problèmes qu'elle a dans sa vie. Plusieurs fois, j'ai assisté à ça. Et le marabout disait à la personne, à Nicole et à nous tous, on va jusqu'au village, personne ne doit se retourner pour regarder en arrière. Il dit, quel que soit le bruit que vous pouvez entendre derrière, il est interdit. Parce que celui qui va se retourner, la malédiction qui quitte sur Nicole va s'abattre sur toi. Donc, il fallait quitter de la forêt à côté de la rivière jusqu'au village sans se tourner. Même si tu entends le bruit derrière. Mais la Bible dit que ce que vous sacrifiez, c'est à des démons et non à Dieu. Mais ce sont des démons qui ont perdu la guerre au ciel et qui sont sur terre avec les hommes. En fait, ce sont ces esprits-là qui prennent la forme du parent mort et qui viennent t'apparaître dans le songe. Hein, c'est moi ton père. Et quand tu vas te réveiller le matin, oh là là, papa est venu me parler la nuit. Oh, j'ai vraiment vu ma tante la nuit, oh, voilà ce qu'il est venu me dire. Mais ce sont des démons, ils sont au milieu là. C'est un démon qui a pris sa forme et sa voix et qui est venu te parler. Hein? Quand le marabout t'a consulté, là, il dit, oh, ta fille qui est morte là par accident de voiture, je la vois là, elle est en train de pleurer. Elle te dit, maman, va me faire ça, va me faire ça. C'est des histoires. C'est des démons qui prennent les formes. Celui qui est mort, dans l'évangile de Luc, que ce soit Luc, Matthieu, Jean, peu importe l'évangile, lisez la Bible. Lisez la Bible. Il est impossible à celui qui est parti de revenir. Mais par contre, des démons peuvent prendre la forme et la voix de la personne qui est morte, du membre de ta famille qui est parti, et t'apparaît dans les songes. Un esprit, la sirène des eaux là, des gens qui voient la sirène des eaux, parfois que de poissons. Mais ce démon qui se transforme en sirène, d'un simple claquement de doigts, il peut se transformer en femme réelle, talons aux pieds, les cheveux qui tombent là-bas. Et il peut encore claquement de doigts, il se transforme en un rat, en un chat, en éléphant. Un esprit peut prendre la forme qu'il veut, n'importe quelle forme. L'esprit peut se transformer en un animal. Et puis, tac, il se transforme en un être humain. Et puis, tac, il se transforme en une mouche. Un esprit prend la forme qu'il veut. C'est un esprit qui peut se transformer. Donc, ce sont ces mêmes esprits qui prennent l'apparence de ton grand-père, qui vient te parler. C'est cet esprit que tu offres la nourriture, là. Quand on te dit, va lui offrir la nourriture. Oh, le grand-père est venu, je dormais la nuit. Le grand-père est venu me dire, oh, pourquoi on ne lui fait pas les messes de requin? Oh, le grand-père est venu me dire, oh, pourquoi on ne fait pas le rituel depuis qu'il est mort? Oh, j'ai entendu une femme dire, oh, mon père qui est mort depuis est venu me dire, pourquoi vous laissez les herbes, les mauvaises herbes pousser sur ma tombe? Et elle est allée au village, aller enlever les mauvaises herbes. La Bible dit que l'homme riche, après la mort, s'est retrouvé dans le feu. Il a dit à Abraham, envoie Lazare, j'ai soif. On lui a dit, c'est impossible. Entre vous et nous, il y a un abîme que personne ne peut traverser. Il dit, ok, moi j'ai laissé ma famille là-bas à la terre des vivants. Envoie quelqu'un les informer, parce que je ne veux pas qu'ils viennent là où je suis là. On lui a dit, sur terre là-bas, il y a des gens qui annoncent la parole de Dieu. Ils n'ont qu'à croire. Je vous pose la question. S'il y avait possibilité à un mort de venir te parler, le riche l'aurait fait, non? Pourquoi il dit à quelqu'un, envoyer quelqu'un? Parce que lui-même est dans l'impossibilité de le faire. Sinon, il l'aurait fait lui-même. Il serait venu apparaître pendant que son fils dort. Mon fils, c'est moi. Moi, ton père. Je n'ai pas coûté en perdre. Je souffre dans le feu. Allez à l'église. Il va trouver son père. Fais réunion de famille. Depuis que je suis mort, là, je souffre. Demande à tout le monde d'aller à l'église. De peur que vous ne veniez là où je suis. Il l'aurait fait lui-même. Mais pourquoi il ne le fait pas? Pourquoi il dit envoyer quelqu'un? Parce que lui ne peut pas. Donc les personnes que vous voyez là, oh, l'oncle est venu me parler alors que je dormais. Oh, je connais une femme. La femme, elle est maîtresse dans une école. Après le mariage avec son mari, l'homme est mort 2-3 ans après. Je ne sais pas si c'est accident de voiture. Et cette femme m'a dit, moi, que chaque semaine, mon mari apparaît dans la chambre, il vient coucher avec moi. Vous croyez que le riche qui souffrait là-bas dans le feu pouvait encore quitter là pour venir coucher avec sa femme qu'il avait laissée sur terre? C'est impossible. En vérité, c'est un démon qui prend la forme du mari de cette femme et qui vient coucher avec cette femme. Parce que les démons aiment le sexe. C'est pourquoi vous voyez des démons venir sous la forme de femme de nuit ou homme de nuit, coucher avec les gens quand tu dors la nuit. C'est un démon qui prend la forme de femme de nuit, qui vient coucher avec toi là. Et vous allez remarquer que ces démons-là, qu'est-ce qu'ils font? Parfois, ils prennent la forme d'un homme qui te drague. Parfois, le démon prend le physique de ton copain ou de ta copine. Toi, tu vois dans les rêves en train de coucher avec lui. En fait, le démon n'a fait que prendre sa forme. C'est tout. Parce que je vous ai dit, qu'un esprit, le démon est un esprit, un démon peut prendre n'importe quel, il peut prendre la forme d'un homme. Il peut aussi prendre la forme d'un animal, comme il veut. La forme d'une mouche. C'est un esprit, il peut prendre n'importe quelle forme. Donc c'est eux qui prennent cette apparence. Il vient te parler alors que tu dors. Donc voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Que ça ne sert à rien, vos messes de requiem ne servent à rien. Quand l'homme est mort, il est parti. Quand on fait le lavement de corps, on s'occupe de l'enveloppe là. Parce que le jour de ma mort, moi je suis déjà parti, mes parents vont habiller l'enveloppe. Ils perdent leur temps, parce que moi je ne suis plus là. Cette enveloppe-là, vous pouvez jeter ça dans une décharge. Ça ne sert plus à rien, parce que moi-même je ne suis plus là. Donc tout ce qu'on fait, la décoration, on prend un cercueil en or, et tout ce que vous faites, la personne n'est plus là. Vous perdez votre temps. Là, il reste le corps là. Dieu a dit, c'est poussière, ça doit retourner à la poussière. Donc c'est avec ça que vous traitez. La personne n'est plus là. La personne est partie. Parce que dans le livre d'Hébreux, dans la Bible dit, après la mort de l'homme, c'est jugement direct. D'accord? Donc lui, il est déjà parti. Et nous, on est là, l'enveloppe, la coquille, là, la coquille, le corps. Il est dans le cercueil, on fait les tours, chacun vient dessus, chacun vient se pencher, il fait le signe de la croix, chacun, comme si la personne était encore là. La personne est loin. La personne ne voit même pas ce que vous faites. La personne n'est plus sur la terre. La personne est déjà dans un autre monde. Donc tout ce que vous faites là, ça ne le concerne même pas. Il ne voit même pas ça. Donc, frères, sœurs, vous êtes des enfants de Dieu. Vous ne devez plus agir comme les païens qui manquent de connaissances. Le peuple de Dieu est Jésus a dit, je suis venu afin que les aveugles voient. D'accord? Quand on est mondain, on est aveuglé par les puissances des ténèbres. On ne comprend pas les choses de l'esprit. Donc, le Seigneur vient nous ouvrir les yeux pour qu'on ne soit plus ignorant comme des mondains hein, qui courent préparer la nourriture, aller déposer, comme le marabout lui a dit. La païenne croit que, oh vraiment, mon fils qui est mort là est venu me parler la nuit alors que je dormais. Mais c'est pas ton fils. Celui qui est parti ne peut plus venir te parler. C'est un démon qui a pris la forme et la voix de ton fils. Et il est apparu. Tu l'as vu. Tu as bien vu quelqu'un qui était du pied à la tête comme ton fils. C'est vrai, tu ne mens pas. Je ne dis pas que tu mens. Mais je veux que tu saches que c'est un esprit qui a pris cette forme. C'est pas ton vrai fils. C'est ce que je veux. Je ne dis pas que l'homme qui est venu te parler ne ressemble pas à ton père. Je ne dis pas que la femme qui est venue te parler ne ressemble pas à ta femme qui est morte du cancer ou par accident. Oui, la personne ressemble du pied à la tête. Oui, la personne a la même voix. Mais je veux que tu comprennes que ce sont des démons. Parce que quand il y a eu guerre dans le ciel, Apocalypse au chapitre 12, Satan et ses démons ont perdu la guerre. La Bible dit qu'ils ont été précipités sur la terre. Donc, il faut que tu mettes bien dans la tête que les êtres humains ne sont pas les seuls habitants de la terre. Nous sommes sur la terre avec les démons. Et ce sont ces démons-là qui prennent la forme de nos parents morts. Et qui viennent nous parler dans les songes ou qui peuvent nous parler à travers un marabout. Mais il ne s'agit pas de nos vrais parents. Parce que s'il y avait une possibilité de revenir parler aux vivants, le riche n'allait plus dire « Abraham, envoie quelqu'un ». Dire à ma famille, parler à ma famille de peur qu'ils ne viennent là où je suis. Il l'aurait fait lui-même. Mais pourquoi il demande à envoyer quelqu'un? Parce qu'il est dans l'impossibilité de le faire. Donc c'est ce que je tenais à vous dire. Arrêtez de faire des rituels aux démons. Arrêtez d'offrir la nourriture aux démons. Arrêtez d'offrir l'argent, la boisson aux démons. Ce ne sont pas vos parents. Vos parents ne sont plus là. Ils sont dans un autre monde comme l'homme riche. Il s'est retrouvé dans un autre monde où il était impossible pour lui de revenir sur terre parler aux membres de sa famille. Donc c'est ce que je voulais que vous sachiez. Bien-aimés, je vous bénis au nom de Jésus.